Waouh, les cornichons version japonaise, la chanson de Nino Ferrer sur un album qui s'appelle Camembert, Cappuccino et Sushi, ou en fait qui est un album compile très bien avec plus connu, il y a une version du Poisson d'or des Lilas, de la Javanaise, de Claude François, Lundi au soleil, je crois, je sais pas si la chanson s'appelle comme ça, pas très très connaisseur de Claude François, mais en tout cas voilà, plein de choses, c'est super bien, il y en a qui sont très très bien en matinée, donc voilà, on va terminer malheureusement parce que le temps presse. Oui, je sais, je suis arrivé en retard, pas à peine de me le répéter. Le temps presse et qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps, donc on va terminer malheureusement avec Mathieu, qui aura encore plein de choses à dire. Quand on s'est vu au Carrefour de l'animation, moi et Mathieu, ça faisait longtemps, j'avais dit quand j'avais beaucoup aimé Sinistra d'Extrait du Bocal, et j'en avais parlé, j'avais dit à Marion, bah, tiens, ce serait bien que tu viennes, ce serait bien que ton musicien vienne, en plus ça tombe bien parce qu'il a fait la musique des deux, la musique d'Important, voilà, puis des choses se font pas toujours. Et là, on s'est rencontrés au Carrefour de l'animation, il y avait Christophe Ferral, l'un des grands musiciens, enfin en tout cas maintenant, Ouais. imposé, on va dire, hein, avec Sacré sa faconde, personnage. hein, voilà, en plus. Qui sait, voilà, qui était présent. Et il y a pas mal, et vous avez soulevé quelque chose que je trouvais intéressant, qui était le problème qu'aujourd'hui, en effet, quand je disais que moi, par exemple, je regardais beaucoup les films d'étudiants se vendent de plus en plus, et se vendent, non seulement se mettent, Oui. et ça pose un problème, parce qu'évidemment, vous, les Alors, compositeurs, oui, nous sommes extérieurs, voilà. totalement extérieurs, sauf au Gobelin. Qui rémunère. Moi, c'est la seule école avec laquelle j'ai travaillé qui ait proposé une rémunération Avant pour même que le tous les film intervenants. parte en festival, soit Tout à vendu ou quoi que ce fait, tout à soit. fait. Puisque D'accord, ça c'est bien. le film là, il vient juste d'être terminé, j'ai eu un contrat avec les Gobelins D'accord. pour Le lac gelé, composer. c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est un D'accord. des petits films d'Annecy qui dure donc 45 secondes. Et même pour cette durée-là, il y a un contrat de prévu. Et comme je disais au tout début, les écoles d'animation françaises font des films tellement bien, tellement beaux, que y a des chaînes qui sont intéressées pour les acheter. Il y a des éditeurs de DVD qui veulent les mettre dessus, donc qui aimeraient les acheter. Et là, on a un petit problème, effectivement, c'est que, voire un gros problème, c'est que les musiques ont été faites en dehors de l'école, sans lien pédagogique, sans lien contractuel. Et donc, à moins de signer une cession de droit, les écoles ne peuvent pas exploiter les musiques, c'est interdit. Donc, on a un problème parce que certaines écoles indélicates le font quand même. Donc il n'y a pas de jurisprudence, il n'y a pas de procès, parce qu'évidemment on n'est pas sur des sommes qui le justifient. Ça pose juste des problèmes éthiques, des problèmes pédagogiques, je pense. Et voilà, c'est des questions à laquelle il faut réfléchir. Les films d'école sont passés de quelques années de simple objet de fin d'études à vraiment des produits de qualité, et ça signifie que les écoles ont muté, elles sont passées d'établissements pédagogiques à producteurs. Et c'est très délicat pour elles, hein, je pense, je ne leur jette pas la pierre, mais c'est délicat de passer de l'un à l'autre. La volonté étant évidemment, encore une fois, hein, sous ça en clair, de lancer le débat. Là, Mathieu, ça tombait bien que tu puisses venir. Et c'est vrai qu'on a convenu parce que je voulais aussi qu'on parle de ton travail. Donc ça tombait Merci bien. beaucoup. Je suis Non, très non, non, honoré, mais hein, non, non, mais d'ailleurs. J'en profite. non, mais voilà. Donc ça, c'était bien. On va pas. Mais ça, c'était une bonne chose. C'est vrai qu'on va. Je veux pas trop lancer le débat sans qu'il y ait autour de la Oui, table tout des à gens fait. qui puisse répondre en disant, bah oui, non, mais attendez, parce qu'il y a ceci, il y a cela. Je trouve le débat intéressant parce qu'en effet, au moment où on parle de. Hein, voilà, c'est ça, hein, de choses qui sont. Ouais. C'est-à-dire que c'est quand même incroyable cette idée de vouloir absolument, uniquement, finalement, punir, sans du tout réfléchir avant et sans dire aux gens, bah attendez, ouais, mais peut-être que bah, la musique, il y a des musiciens qui sont derrière. Ouais, il y a Parce un que coût. ce qui est étonnant là, c'est que ce que tu disais, c'est quand toi tu réunis pour toi, c'est-à-dire sur le fait que les gens se disent, ah bah tiens, ça m'intéresse de travailler avec lui, puis c'est une première expérience ou quoi, 60 personnes, voire plus, 90 Ouais, personnes c'est comme sur de le quoi champ, lécher. enfin voilà, plus le. Le G-son, un G-son à 150 heures par semaine. 150 heures. En tout, En tout, par semaine. Il dormirait pas beaucoup, là. 150 heures par semaine. Donc 150 heures en tout, ce qui est déjà beaucoup pour un G-son. Ouais. C'est, ouais, je suppose, ça qui est extérieur, qui est bénévole. Voilà, etc. Voilà. C'est vrai que d'un seul qui fait sur son propre matériel aussi. En plus. Donc, tout le matériel est extérieur à l'école. Oui, tout à fait. Donc c'est ça, l'idée de comprendre. Et c'est très difficile ensuite d'aller voir les musiciens et de leur dire venez travailler sur ce film d'étudiant, il est vraiment super. Si ensuite ils disent mais t'es gentil, mais tes films ils sont vendus là, moi je touche rien, c'est quoi cette histoire? Mais parce que soit donc l'idée n'est pas qu'à la rigueur, après c'est compliqué où on commence à toucher de l'argent, l'idée n'est pas qu'il soit pas montré en festival, voire sur internet, voire du monde qui a pas d'argent. Alors à partir du moment où c'est une diffusion qui n'est pas commercial, il y a évidemment aucun problème. Donc les festivals, mais ceci dit, j'ai rencontré un directeur d'école qui me disait, mais moi j'envoie même pas les films de mon école dans les festivals parce que les festivals se font de l'argent dessus. C'est des films qui leur coûtent rien. Donc oui, là le débat va plus loin, il me dépasse totalement. Hein. Mais effectivement, ça c'est parce que là, ça, oui, c'est compliqué. Un festival, ça permet aussi ce genre la même chose. Toujours, c'est ce qui est bien, c'est finalement de. Mais même sur Dailymotion se fait de l'argent. YouTube aussi. Bon, on peut pas contrôler tout. Maintenant, quand il y a une vente d'un film, là c'est direct, c'est le producteur qui gagne de l'argent dessus. À partir du moment où il n'a pas produit une partie de la conception du film, le problème est là. Bon, en ce qui me concerne. Sachant que... Ce qui n'est pas le cas de toutes les écoles. Hein, il faut... Oui. Et je pense que c'est les premières à ne pas savoir quoi faire. parce qu'elles ne sont pas armées pour l'instant. J'allais te dire. C'est pour ça que, bon, encore une fois, on repartira là-dessus. Mais c'est vrai que quand on parle d'école et quand on dit... tu dis, mais des fois, ils le font des écoles qui ne font pas attention. Pas qui ne font pas attention. Tu as employé un terme plus dur tout à l'heure. Je pense qu'il y en a beaucoup qui, comme ça, finalement, le son, ils disent bien à leurs élèves, vous vous occupez du son. Nous, on ne veut pas, même pas le savoir. C'est la même chose finalement pour. C'est les mêmes écoles qui disent à leurs élèves le son, c'est 50% du film. Je crois même qu'il y a des écoles qui disent maintenant c'est 51% du film. Donc, c'est. En tout cas, c'est quelque chose sur lequel j'espère. J'espère, on reviendra. Les choses vont se lancer, peut-être à Annecy. En tout cas, j'espère qu'il va y avoir à droite et à gauche des réflexions. Oui. Moi, j'ai toujours eu un discours qui a été très clair. C'est que je pense que le téléchargement est là maintenant aujourd'hui, qu'on n'y changera pas grand-chose, même si on essaye de le réglementer. L'idée est plutôt de faire apprécier les choses aux gens et qu'ils aient, je le dis à l'antenne en direct, moi je télécharge et j'achète énormément à côté. C'est-à-dire qu'en fait je pense qu'aujourd'hui et mes élèves télécharge, me disent, ah bah tiens, j'ai vu tel film, et je leur dis, il faudrait que tu regardes tel ou tel film. Ah oui, je l'ai téléchargé hier, je l'ai vu. Et je pense qu'on pourra pas faire grand-chose. Par contre, de leur dire à côté de ça, t'as téléchargé ça, mais la copie était quand même pas terrible, tu voudrais pas aussi acheter. Et moi j'ai des, alors pas tous, hein, mais j'ai certains étudiants qui achètent maintenant et qui me disent au bout de 2 ans, qui me disent, ah ben tiens, alors j'ai regardé sur eBay, j'ai pu m'acheter le DVD d'un tel, etc. Et qui font maintenant la démarche d'acheter. Alors c'est complexe. Ouais, à titre personnel, je suis toujours attaché à l'objet, l'objet CD, l'objet DVD, donc un fichier, moi ça me... Mais je pense que les gens seront toujours attachés à l'objet, en tout cas pendant encore un bout de temps. Je pense vraiment que l'idée de se dire, prenez sur Internet ce que vous ne pouvez pas avoir ailleurs. Moi j'ai des choses en animation qui sont impossibles à avoir. Oui, il y a des musiques qui sortent plus nulle part, il y a des Bernard Herrmann pour dire qui sont plus édités nulle part et qui sont à trouver. Ça m'empêche pas, dès qu'un Bernard Herrmann sort en CD, de vite me précipiter pour l'acheter. Tout à fait, il y a aussi la possibilité maintenant avec les sites internet de contacter directement les compositeurs. J'en connais plusieurs qui seront ravis d'envoyer leur musique, voire qui la mettent en téléchargement sur leur site, et des grands connu. Donc il faut juste savoir qu'il y a eu un coût derrière. Il n'est pas forcément apparent, même si les gens ont pu travailler bénévolement, même s'ils ont été payés, on vit quand même une mutation certaine de l'industrie de la musique en priorité, parce que c'est quand même la chose la plus facile à télécharger, du cinéma à un autre niveau. Mais il faut avoir conscience de ce qu'on fait, que chaque acte peut à terme contribuer à l'effondrement d'un système. Bon, je dis ça sur Radio Libertaire. Non, non, mais tu peux dire ça, on dit tout ce qu'on veut. Après, on peut ne pas être d'accord ou d'accord, c'est autre chose. Il faut, heureusement, c'est ce qui est intéressant. Il n'y a pas forcément beaucoup de radios, on pourrait avoir une ouverture d'esprit, dire absolument ce qu'on a envie, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Je comprends très bien. C'est vraiment, et c'est quelque chose de passionnant, on va devoir arrêter, mais c'est quelque chose de passionnant. J'espère qu'on aura le temps d'en parler, parce qu'en effet, je pense que ben voilà, les choses sont aujourd'hui en tout cas complexes et que ouais, tu disais discuter c'est important, et je pense qu'aussi se mettre autour d'une table et discuter de ce genre de choses peut être primordial bien pour sûr. Justement faire avancer les choses, et encore une fois la reconnaissance aussi de ce qu'il y a derrière, tout en téléchargeant mais en ayant une reconnaissance et en comprenant, et encore une fois en essayant de contrebalancer les deux, et quelque chose sur lequel à mon avis il faut réfléchir. Mais bon, j'espère que tu seras là de toute façon autour de cette table plus pour parler de ce problème-là. Avec grand plaisir. Avec, j'espère, si les gens l'écoutent, des écoles sont les bienvenus, et des étudiants, et pourquoi pas des gens de la SACD ou ce genre de choses, et de lancer un vrai débat intelligent. Ça nous changera des faux débats stupides qu'on entend à longueur de temps un peu partout. Merci beaucoup, Mathieu. Merci de m'avoir invité. D'être venu. Non, très honoré, très ravi. Infiniment. on va arrêter là avec les... Mais non, merci. Écoutez, regardez, je vais donner quand même Mathieu Alvado, parce que c'est un peu... Voilà, vous l'avez entendu là. C'est bien d'entendre sa musique, même si on entend un petit peu. C'est Mathieu, c'est M-A-T-H-I-E-U. Alvado, A-L-V-A-D-O. Et donc, on fait www.mathieualvado.fr. Donc, www.mathieualvado.fr. Vous avez plein de musique sur son site. Vous pouvez télécharger, en effet, un CD avec plein de musique de ses films. Et il y a plein aussi de liens. Et puis après, pas mal de ses films sont visibles. Ouais. Sur internet. Merci encore. On va écouter maintenant, alors ça fait longtemps que je vous en parle, j'ai eu la chance d'y aller encore une fois cette année pour travailler. J'étais membre du jury, mais j'ai fait tout ce qu'on appelle ce qui était appelé un thé à la menthe avec, où on avait un créateur. Ça allait de Benoît Chieux, directeur artistique sur Miel Migou à Folle Image, à Koji Yamamura, grand réalisateur de cinéma d'animation court-métrage japonais. Je voulais vous en passer ici, mais le problème c'est que le son est pas génial, on était à l'extérieur des fois, il y a beaucoup de bruit, mais je vous reparlerai peut-être après ce qu'on va écouter. J'ai fait une longue interview pas sur place, pas au Maroc, mais tout à l'heure au téléphone, parce que je voulais qu'on laisse passer un petit peu de temps entre la fin du festival et le festival, pour que Beyoud Mohamed, qui est le directeur artistique, qui est un peu l'âme vraiment de ce festival, qui est vraiment l'âme du festival, avec des gens absolument incroyables derrière lui, et le temps de respirer, de nous parler un peu plus tranquillement du festival. Il y en a 40 minutes. Il me reste 23 minutes d'émission, donc vous avez compris qu'à moins que mes petits camarades d'après ne viennent pas, mais bon, tout le monde n'est pas comme moi, donc on va déjà mettre les 20 premières minutes. Moi, je les mettrai sur mon site de toute façon, je vous le redirai après, puis je vous le ferai écouter. C'est une véritable expérience, un festival magnifique, le FICAM, vraiment, je le répète, je dis pas ça parce que je suis invité, loin de là, c'est que c'est ce genre de festival... Donc, qui se situe à Meknès au Maroc, où on se rend compte à quel point le cinéma et les festivals doivent être tournés aussi vers le public et vers les gens qui regardent, et non pas que pour les professionnels entre eux, comme dans les grands festivals comme Cannes, mais comme Annecy qui va se passer aussi, où souvent le public est complètement en dehors de ce qui se passe. Là, on est vraiment dans la ville et c'est pour le public. Et il y a une création, et petit à petit, la création d'une jeune génération marocaine qui va créer de l'animation avec la culture. C'est absolument passionnant. Donc, on va écouter normalement ce qui est censé être de la piste 10, et qui sont 20 minutes. Après, on reprendra juste pour la fin. On écoute donc Beyoud Mohamed, directeur artistique du FICAM. Ok, Beyoud, bonjour. Bonjour. Alors, dis-moi, ça fait quoi 15 jours que le festival est terminé. Déjà, on va, avant de parler du festival en lui-même, un petit bilan de cette 9e édition. Un petit bilan déjà par rapport à la qualité des invités, parce que nous sommes, je pense cette année, nous sommes quand même passés à une vitesse supérieure, puisque nous avons accueilli des grands noms de l'animation française.

plusieurs années. Mais on aurait pu, on s'aventurerait pas il y a quelques années à projeter des films d'Eric Arasel, par exemple, sachant que à l'époque le public découvrait le film d'animation. Et même la presse marocaine, à une époque, il y avait, par exemple, pas tous, mais dans quelques articles, par exemple, il y avait confusion entre bande dessinée et film d'animation. Ouais, il y avait donc tout un travail à faire. Maintenant, si tu veux, même le mot cinéma d'animation était introduit au Maroc, dans la presse, dans les médias, ou même chez les étudiants, le grand public, grâce au festival. Voilà, c'était la première partie de l'entretien que j'ai eu avec Beyoun Mohamed, le directeur artistique du festival FICAM, Festival International du Cinéma d'Animation de Meknès, aujourd'hui, dont c'est aujourd'hui d'ailleurs l'anniversaire, donc je leur dis bon anniversaire, puisque c'est aujourd'hui. Vous l'avez compris, c'est vraiment un festival que je trouve passionnant. Il y a une deuxième partie qui fait aussi 20 minutes. Je vais la mettre sur mon site internet, thewebanim.com, mais bien évidemment, je vous la ferai écouter parce que tout le monde n'a pas forcément allé sur le site. Donc, bien évidemment, je vais écouter parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument comprendre et si possible, en parler le plus possible parce que des beaux festivals comme ça, il y en a finalement assez peu. Je vous ferai écouter aussi et je mettrai l'entretien que j'ai eu avec Gabriel Jaquel, qui est un jeune réalisateur et qui a fait un atelier là-bas avec un film d'étudiants. Donc, il y avait quelques étudiants avec lui qu'ils ont fait, qui est sur Internet et qui est absolument passionnant, qui est la rencontre entre la calligraphie arabe et la typographie et des mots français, et les deux se mélangent, et il y a conflit et il y a rencontre, et ça crée quelque chose de nouveau, et c'est un film absolument superbe, fait en une dizaine de jours avec du sucre, de la pâte à modeler, et c'est d'une intelligence, enfin donc c'est vraiment bien. Vous pouvez le voir, sinon vous regardez sur Foudanim, je vous en parle souvent, foudanim.org, et sous l'onglet festival vous pouvez voir ce film. Regardez-le parce que ça, il faut le montrer le plus possible, même cette rencontre entre deux cultures finalement, et que du conflit, de la rencontre, il peut naître des jolies choses et des belles choses. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, rien, puisque de toute façon il faut que je rende l'antenne. Juste, je vais vous dire que la générique qu'on va entendre est d'un monsieur qui s'appelle Hajime Kaboulaji. C'est tiré d'un film qui s'appelle Stray Cat Rock Sex Hunter. Ça, je vous le fais à l'anglais, je voulais pas faire à la japonaise. C'est un film qui est tiré d'un film de la Nikatsu. On écoute et puis on se retrouve, j'espère. Peut-être même avant un mois pour un nouveau Bulle de Rêve. À bientôt.